La posture. Le dos est droit, mais sans tension. Les épaules sont dégagées. On a conscience du visage, des éventuelles tensions derrière les yeux. Les mâchoires sont détendues. Le reste du corps est détendu. Toute pensée crée une tension dans le corps. Le moi est comme un ressort en tension. Alors, libérons cette tension artificielle. On inspire, et puis on expire profondément, consciemment. Immobilité. Vigilance dans l'immobilité. Méditons avec Bouddha. Bouddha sur l'inspiration et Do sur l'expiration. Bouddha, Do. Bouddha, Do. Restons là, proches de Bouddha. Bouddha, c'est la connaissance infinie, cette connaissance qui est en chacun de nous. La confiance en Bouddha, c'est la fin de la peur, c'est le début de l'amour inconditionnel. Bouddha. Do. Si nous ne bougeons pas, si nous sommes présents en Bouddha, il n'y a plus que cela, notre nature véritable. Cessation du désir de devenir. Paix parfaite. Maintenons cet état. Dans ce calme, prenons conscience du petit moi qui s'agite. Mais continuons à nous ouvrir à Bouddha. Bouddha, c'est le présent. Le petit moi qui s'agite, c'est le passé. C'est la projection dans le futur. Ça n'existe pas. Notre désir de liberté doit devenir plus fort que la résistance face à l'abandon des attachements. Cette résistance inconsciente, ce besoin de se distraire, cette impulsion de devenir, qui rend l'immobilité si difficile. Mais c'est quand même possible. Nous pouvons rester intérieurement tranquilles, quoi qu'il émerge, sans jamais détourner le regard de Bouddha. Bouddha. Ne bougeons pas. Ne nous éloignons pas de notre nature véritable. Observer réellement, c'est accepter tout ce qui se présente tel que c'est. Cette tranquille observation nous établit naturellement dans notre nature véritable. Elle est dépourvue de tout effort. Nous sommes simplement là, présents. quand nous nous focalisons sur des pensées ou des sensations, nous occupons l'espace et nous recouvrons la présence silencieuse. Il faut se retirer du chemin. Laissons à présent l'observateur se retirer du chemin. Il n'y a rien à faire. Simplement permettre aux choses de se faire en nous retirant du chemin. À présent, il n'y a plus personne pour commenter ce qui se vit dans cet instant. conscience du corps sans limite. Confiance totale en Bouddha. Il n'y a rien à protéger, rien à défendre. Notre priorité, c'est la libération, pas la survie du moi. Réjouissons-nous de ne pas être ce petit moi limité. la vérité est impersonnelle. La réalité peut être ressentie ici, maintenant, autour de nous et en nous, sans filtrage par les mots ou les jugements, directement. S'accrocher aux mots et au passé, c'est un piège du mental pour éviter de faire face à l'instant, parce que le présent tue le mental. Le présent tue l'ego. Alors, utilisons-le. Le présent est notre arme. Conscient. Présent. Globalement. À chaque instant. Tout ce qui est au-delà de l'instant présent n'existe pas. Être vivant, c'est être dans l'instant présent. Quand nous sommes dans les pensées ou dans les émotions, nous ne sommes pas vivants. Mais l'instant présent ne passe jamais. C'est l'éternel présent. Alors, à nous d'y rester. Ne nous laissons plus distraire par les pensées, les attachements, les aversions. Soyons conscients que ce sont des créations du mental, des illusions, et qu'elles passeront. Le proverbe zen dit « Tu arriveras le jour où tu auras cessé de voyager. » Alors cessons nos efforts. Ôtons-nous simplement du chemin et laissons Bouddha agir avec confiance. Nous ne percevons pas les choses telles qu'elles sont. mais à travers nos pensées, à travers les images de ces choses que nous avons créées en nous. Nous verrons aussi que la mémoire n'est qu'un assemblage de cicatrices pour maintenir l'illusion de l'existence d'une personne, d'une continuité dans le temps et l'espace. Pour toucher la réalité directement, sans filtrage, il va falloir briser cet écran. Alors nous serons dans le présent, dans ce présent qui tue le mental, qui tue l'ego. Et nous découvrirons que le mental n'a jamais été moi. C'est cela la libération, le bonheur véritable. Mais le mental ne peut se dissoudre que dans l'impersonnel. Si c'est l'ego qui cherche, il ne trouvera rien de vrai. La seule chose à faire, c'est s'abandonner. Lâcher tous les mouvements du mental. Ne rien saisir. Abandonner jusqu'à cette image de ce que nous croyons être, de cette personne que nous cherchons à protéger, et qui, en réalité, n'existe pas. La vérité est impersonnelle. Si on laisse Bouddha agir, la barque va d'elle-même aller vers son cap, juste et naturel. Alors, laissons Bouddha agir, et la barque ira vers son cap juste et naturel, sans moi.